Bonjour frères et sœurs, nous sommes au mois de mai 2018. Le Seigneur m'avait mis à cœur de faire une série de messages à propos de la sécurité du salut. Le salut se perd-il, ne se perd-il pas, etc. C'est une question qui revient sans cesse dans l'esprit des croyants. Certains occupent la position de gauche, certains occupent la position de droite, et c'est comme ça depuis des décennies. Alors j'ai décidé d'y mettre de l'ordre une fois pour toutes. Nous allons survoler tous les versets du Nouveau Testament, un par un, qui parlent de ce sujet. Nous allons y mettre de l'ordre une fois pour toutes. Le premier message de la série s'intitule « La sécurité du salut ». J'ai pensé qu'avant n'importe quoi d'autre, il est très important d'établir que nous sommes en sécurité dans le Seigneur. Le salut se perd ou pas? Si je vous dis que le salut se perd, bien tous ceux qui croient que le salut ne se perd pas vont arrêter d'écouter. Et si je dis que le salut ne se perd pas, tous ceux qui croient que le salut se perd vont cesser de m'écouter. Alors, frères et sœurs, je vous exhorte à prendre le temps d'écouter tous les messages, les 9 messages de cette série. Dire que le salut ne se perd pas, quoi qu'on fasse, c'est anéantir la crainte de Dieu. Et dire que le salut se perd, c'est anéantir la sécurité d'être entre les mains de Dieu. Le salut se perd-il? C'est même pas une question qui se pose au fond. On ne peut pas répondre par un oui ou par un non. On ne peut pas simplifier, abréger la question du salut comme ça. Le salut se perd-il? On dirait que c'est une question piège à quelque part. Écoutez-moi bien. Ça fait 41 ans que j'étudie la Bible sur mes genoux. Et je vais vous donner mon avis sur le sujet, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Dieu ne parle pas seulement à travers des révélations, il parle à travers l'expérience également. Tout au long de cette série, nous allons ensemble regarder tous les textes bibliques et essayer d'y comprendre quelque chose. Ceux qui croient que le salut ne se perd pas ont glané tous les versets de la Bible qui parlent de la sécurité que l'on a en Christ. Et ceux qui croient que le salut se perd, eh bien, ont fait la même chose de leur côté. Ils ont glané tous les versets qui en parlent. Chacun des deux camps se réfugie derrière leurs versets. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut interpréter la Bible. La Bible ne se contredit jamais. Il doit y avoir un équilibre entre ces versets-là, quelque part. Tous les versets bibliques ont leur place dans le grand casse-tête de l'Écriture. Comme dans un casse-tête, il n'y a pas deux morceaux qui vont au même endroit. Chacun a une place désignée. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble à propos de cette doctrine. On prend tous les versets, on les remet dans leur contexte et tous vont s'insérer parfaitement. Je vais vous demander d'être patient et de supporter mon enseignement. Je vous exhorte à aller jusqu'au bout de votre démarche et d'écouter toute la série de messages. Il m'a fallu 2 mois et demi de travail pour faire cette série de 9 messages. Je vous promets une chose, c'est qu'après avoir écouté toute la série, vous n'aurez plus de doute. Vous aurez tout compris, car je vais examiner tous les versets un par un et ligne par ligne et quelquefois même mot par mot. Je ne vais pas seulement choisir des textes et me construire un fort, mais examiner tous les textes de part et d'autre de la question. À la fin, vous verrez que tous les textes s'équilibrent entre eux. Le salut se perd ou pas? On voudrait une réponse simple à une question compliquée. Moi, je vous dis, ne simplifiez pas cette question parce que la réponse, elle est loin d'être un oui ou un non. Je sais qu'on aime les réponses simples, mais cette question ne se répond pas par un oui ou un non. La réponse à cette question comporte plusieurs ramifications et nous allons toutes les regarder. Je vous dis tout de suite que tous ceux qui aiment le Seigneur vont aimer mes réponses. Pour les autres, eh bien, laissons-les argumenter jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien que je puisse faire pour eux, puis il n'y a rien qu'ils puissent faire pour moi. L'expression « la perte du salut » au départ, c'est une expression qui fait peur. Une expression qui insécurise, et avec raison. Alors on comprend que beaucoup de chrétiens se sentent un peu menacés. La sécurité en Christ est une question grave et l'on n'aime pas quand quelqu'un vient secouer l'échelle où on est monté jusqu'en haut, là. Alors, ne parlons pas de la perte du salut tout de suite, mais de notre position en Christ et de notre statut de fils de Dieu. Au lieu de parler de perte du salut, parlons simplement de la doctrine du salut. C'est moins menaçant, moins troublant et moins inquiétant. Il y en a plusieurs qui pensent que la perte du salut, ça veut dire que si l'on commet la moindre faute, le Seigneur va nous retirer le salut immédiatement. Mais c'est pas ça du tout la doctrine de la perte du salut. Je vous rassure tout de suite, Dieu a un contrat avec nous, signé avec le sang de son Fils, et ça, c'est du solide. Après avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Je viens de citer deux versets en un, là, soit Éphésiens 1, 13 et 4, 30. Même Dieu ne peut pas annuler ce que le Christ a fait. Hein? Rien ne peut défaire ce que le Christ a fait. Christ a opéré un salut éternel, nous dit Hébreux 5, 9. Sinon, Dieu serait un menteur pour n'avoir pas respecté un contrat scellé de son propre sang. Le salut ne se perd pas nécessairement quand nous tombons dans le péché. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu a pourvu à nous sauver et il a pourvu à ce que nous restions sauvés. Le péché nous fait perdre notre communion avec Dieu, mais ne nous fait pas perdre notre relation avec Dieu. Mais si le Christ ne peut pas revenir sur sa parole, l'homme malheureusement le peut, lui. En Luc 8, 13, il est écrit que « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. » C'est le verbe « croire » et non pas le verbe « croître ». Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Il est dit partout dans l'Écriture que nous sommes sauvés par la foi. Un croyant ne peut pas perdre son salut, à moins, bien sûr, qu'il cesse d'être un croyant. C'est précisément ce qui est arrivé à ceux qui ont cru pour un temps. C'est par la foi que le croyant a été incorporé en Christ et c'est par l'incrédulité qu'il en ressort. Si Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas, en Luc 22, 32, c'est dire qu'il eût été possible qu'elle défaille. Et si la foi peut se perdre, alors le salut peut forcément se perdre aussi, puisqu'il lui est rattaché. Partout dans les Écritures, nous voyons des serviteurs de Dieu changer en vieillissant, changer de cœur, changer la direction que Dieu leur avait donnée au départ, et s'éloigner de la volonté de Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons des serviteurs de Dieu commencer très bien et finir très mal. Si Dieu ne change pas, l'homme, lui, est très enclin au changement de toutes sortes. Il supporte très mal l'épreuve du temps. L'épreuve du temps est la pire des épreuves pour le chrétien. Cette épreuve a fait craquer plus de croyants que toutes les autres épreuves réunies ensemble. Enseigner la sécurité du salut à un croyant qui est relâché spirituellement, qui se permet de pécher plus ou moins impudemment, puis qui se moque de la gravité des conséquences de ceux-ci sur sa relation avec Dieu, n'est certainement pas approprié. Donner l'assurance du salut à un chrétien tiède, à quelqu'un qui n'est pas sauvé, ne serait pas lui rendre service du tout, hein? D'un autre côté, dire à un jeune croyant consacré qui aime le Seigneur et s'efforce de le suivre de tout son cœur qu'il peut perdre son salut est dangereux et n'est certainement pas approprié non plus. Il aura l'impression qu'on cherche à lui arracher quelque chose de sa relation avec Dieu. Il est très important de se sentir en sécurité entre les mains de Dieu. C'est une chose bonne. Il est bien d'avoir une totale confiance en la fidélité de Dieu à nous garder comme un bon berger garde ses brebis. Le Christ a enseigné la sécurité du salut et les apôtres aussi l'ont enseigné. Par exemple, quand Paul parle du casque du salut, en Éphésiens 6. Il fait, à n'en pas douter, référence à la sécurité du croyant en ce qui concerne son salut, ça me paraît évident. Romains 8, 1 nous dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Le chrétien ne perd pas son salut parce qu'il tombe dans un péché. Il est normal et il est bien de se sentir coupable lorsqu'on pêche, mais aucun croyant ne devrait faire une névrose de culpabilité, par exemple. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, etc. » Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et je vous dis une chose, hein? Jésus-Christ est un avocat qui gagne tous ses procès. Matthieu 25, 14 à 30, on nous parle de la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, à chacun selon sa capacité, et il partit. On connaît la suite, alors je saute immédiatement à celui qui n'avait reçu qu'un seul talent. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, j'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. » Ça s'est terminé très mal pour lui. La peur de perdre notre salut peut produire toutes sortes de troubles et de désordres. Quelqu'un me confiait que lorsqu'il était jeune chrétien, après avoir commis un péché, il était tellement sûr d'avoir perdu son salut qu'il est retourné dans le monde pendant plusieurs années. Il a fallu plusieurs années avant que le Seigneur réussisse à repêcher cette âme et la ramener au bercail. Alors oui, la sécurité du salut est très, très importante à établir. Quand j'étais jeune, j'évangélisais dans les rues de Québec, moi et d'autres jeunes. Un soir, je rencontre une jeune fille sur le trottoir, je l'accoste et on commence à parler, et elle me raconte qu'elle avait été chrétienne, mais qu'elle n'allait plus à l'église. Elle croyait que Dieu l'avait rejetée parce qu'elle était retombée dans le péché. Elle croyait que Dieu ne l'aimait plus, alors elle est retournée dans le monde. C'est quelque chose qui arrive souvent aux jeunes chrétiens. Un pasteur doit vraiment surveiller les nouveaux convertis et courir à leur recherche quand ils disparaissent de l'église. Alors qu'elle me racontait ce qui lui était arrivé, j'ai senti l'Esprit de Dieu descendre sur ma tête, puis je lui ai dit « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Elle s'est arrêtée de parler tout net, puis elle me regardait avec des grands yeux. Alors je lui ai dit « Le Seigneur me donne un mot pour toi. Reviens ». La jeune fille éclate en sanglots. L'amour de Dieu avait à nouveau vaincu son cœur. Elle pleurait de joie. Elle me saute au cou, elle n'en finissait plus de me remercier et elle me dit qu'elle retournerait dans son église. Alors vous voyez ce que le manque de sécurité peut faire. Les jeunes chrétiens ont besoin d'être affermis dans l'amour de Dieu avant d'être affermis dans n'importe quoi d'autre. Deutéronome 33, 27. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Psaume 37, 23, 24. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Il y a dans les psaumes un grand nombre de références qui donnent un très beau sentiment de sécurité. Psaume 145, 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Psaume 145, 20. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime. C'est à l'amour qu'il a pour Dieu qu'on reconnaît un véritable enfant de Dieu, et cet amour lui assure le soutien de Dieu en tout temps. Proverbe 10, 25. Le juste s'appuie sur un fondement éternel. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Jésus a dit en Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Une autre traduction a rendu « Je ne le mettrai jamais dehors. » Jean 10, 28, 29, c'est mon préféré, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 17, 12 et 20. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. » C'est nous, ça. Romains 8, 38, 39. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La doctrine de l'élection donne à beaucoup de croyants le rassurant sentiment de sécurité. Romains 14, 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Les péchés accidentels ne font perdre le salut à personne. Aucun péché de faiblesse ne fait perdre le salut. Même les brebis qui s'égarent ne perdent pas l'amour du berger. 1 Corinthiens 1, 18. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je conseille à tous les nouveaux chrétiens d'apprendre par cœur cette petite liste de versets que je viens de donner ici. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verbe « sceller », selon la définition que le dictionnaire en donne, comporte les synonymes suivants « cimenter »,« confirmer »,« consacrer »,« arrimer », »,« visser ». Alors, être scellé du Saint-Esprit, c'est donc quelque chose de très, très solide, là. Notre relation avec le Seigneur est loin d'être en branle à chaque fois qu'on tombe, qu'on glisse, qu'on pêche. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 1, 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. 1 Pierre 5, 10 et 11. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Jean 3, 17 à 20. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. L'assurance du salut repose sur notre charité. À chaque fois que vous posez une action charitable ou que vous donnez une parole charitable à quelqu'un, vous fortifiez l'assurance de votre salut. Jean 14, 20. Je suis en mon Père et vous êtes en moi et je suis en vous. En tant que chrétiens, nous sommes tressés avec le Père et le Fils en une même corde. Et quand une âme se perd, ce n'est jamais parce que la sécurité divine lui a manqué. Mais l'un des plus beaux versets qui parle de la sécurité que nous avons dans la Bible et qui sera toujours l'un de mes préférés est le suivant. 2 Samuel 23, 5. David dit « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? » Les croyants de l'Ancien Testament étaient en parfaite sécurité sous l'alliance que Dieu avait faite avec eux. À plus forte raison, sommes-nous aussi en parfaite sécurité, puisqu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que la nouvelle alliance est établie sur de nouvelles bases, des bases plus solides et de meilleures promesses. Maintenant, j'aimerais toucher deux mots à propos du fameux blasphème du Saint-Esprit. Combien de jeunes croyants ont été emportés par ça et sont retournés dans le monde parce qu'ils ont cru avoir blasphémé le Saint-Esprit? Moi-même, quand j'avais un an environ dans la foi, j'ai commis un péché de lâcheté. Je me suis enfui de l'endroit où le Seigneur m'avait placé pour le servir. J'ai été pris d'une telle culpabilité que j'avais cru avoir blasphémé le Saint-Esprit. Ce sont des esprits malins qui nous injectent cette idée dans la tête. Ils savent que c'est un péché impardonnable et que s'ils arrivent à en convaincre un jeune chrétien, cette idée va totalement le détruire. Moi, j'étais en enfer dans ma tête pendant 3 ans à cause que j'avais commis ce péché impardonnable, en tout cas, je le croyais. J'étais certain que j'étais damné sans retour possible. Un jour, je suis tombé sur un petit dépliant écrit par un évangéliste qui qui parlait justement à ceux qui croyaient avoir blasphémé le Saint-Esprit. Grâce à lui, j'ai pu enfin sortir de ce piège ennemi. Le blasphème du Saint-Esprit. Matthieu 12, 22, 32. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Une autre traduction a rendu, tout langage profane contre le Fils trouvera pardon. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Saint Jean Chrysostome, au 5e siècle, a écrit, le Seigneur a répondu aux pharisiens et leur inspire maintenant une salutaire frayeur. Saint Augustin a écrit, comme les pharisiens ne parlaient de la sorte que par un excès de jalousie, ne peut-on pas croire que par l'excès même de leur jalousie, ils ont péché contre l'Esprit-Saint? J'explique ça. Les pharisiens, au fond, essayaient de mettre Jésus en boîte, de le discréditer, pour que le peuple arrête de le suivre et retourne vers eux. Le côté théologique de la chose servait seulement de voile pour couvrir leur jalousie. Mais pour cacher quelque chose au Seigneur, il faut se lever de bonne heure, hein? Le Sauveur leur a ôté toute excuse et leur a prouvé que c'était sous l'inspiration de la jalousie qu'ils parlaient de lui en mal. Ils se placent à côté de leur Fils, car s'il est facile de condamner un étranger pour un crime, il ne l'est pas autant de condamner ses propres enfants pour le même crime. Jésus les conduit à s'examiner eux-mêmes et à remettre leur jugement en question. La jalousie et l'envie peuvent nous amener à combattre contre Dieu. Il ne faut pas combattre ce qui vient de Dieu sous peine d'être placé par lui parmi ses ennemis. C'est un crime de trahison que de nier l'œuvre de Dieu et de diaboliser une œuvre marquée par lui du sceau de sa puissance. Le péché impardonnable n'est jamais, jamais commis par des jeunes chrétiens. C'est un péché que seuls les chrétiens d'âge mûr peuvent commettre. Le blasphème du Saint-Esprit est toujours commis par des chrétiens qui possèdent une très bonne connaissance de Dieu et de son Esprit. Assez en tout cas pour savoir quand c'est l'Esprit-Saint qui agit et qui parle. Attribuer au diable des guérisons faites au nom de Jésus est extrêmement dangereux. Le blasphème du Saint-Esprit est commis principalement par des pasteurs et autres ministères. Voyez-vous, le blasphème du Saint-Esprit est un péché à base de jalousie. Une jalousie entre ministères de l'Évangile, entre ministres de l'Évangile. La jalousie devant le succès d'un autre ministère que Dieu bénit visiblement plus que le sien peut faire commettre le blasphème contre l'Esprit à cet homme. La jalousie peut pousser aux pires extrémités et aux pires bassesses. Et quand on en arrive à diaboliser un autre ministère parce qu'on en est jaloux et qu'on cherche à lui nuire par tous les moyens, alors oui, là, c'est le blasphème contre l'Esprit. Nuire à l'action de Dieu par malice, par venin, par méchanceté et malveillance, se répandre en calomnie, eh bien tout ça, ça regarde très mal. L'envie porte à la rivalité. On désire et l'on convoite le succès d'un autre ministère. C'est ça le blasphème du Saint-Esprit. Quand un pasteur voit qu'un jeune est en train de monter là, dans son église et qu'il voit que la main de Dieu est sur lui, il arrive que la jalousie monte dans son cœur. lorsqu'il se met à lui nuire, lui mettre des bâtons dans les roues, à prendre toute la place pour lui et en laisser aucune aux jeunes, jusqu'à ce que ce jeune se décourage et s'en aille. Je ne suis pas Dieu pour voir dans les cœurs, mais je vous dis que ce pasteur sera jugé très, très sévèrement. Et s'il a commis le blasphème du Saint-Esprit, Dieu aura sa peau. Jésus a dit, « Si quelqu'un scandalisait un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Une autre traduction a rendu, « Quiconque est une nuisance, un obstacle et une entrave à l'un de ses petits. » Le verbe scandaliser parle donc d'un croyant qui est empêché de servir dans ses dons à cause de la jalousie de quelqu'un d'autre. Quand l'envie et la jalousie se transforment en une prise de position publique contre ce ministère ou cette personne qui est bénie par la main de Dieu visiblement et que la jalousie va jusqu'aux calomnies ouvertes, il y a grand, grand danger que le blasphème du Saint-Esprit ait été commis là. Alors, ce péché impardonnable est à la base un péché de jalousie et d'envie entre ministères. Ce péché ne peut donc pas être commis par des jeunes croyants. Alors, s'il y en a qui m'écoutent, qui sont très, très malheureux, là, et qui pensent avoir blasphémé le Saint-Esprit, bien, relevez votre tête et sortez du filet que le diable vous a tendu. Vous n'avez pas commis ce péché du tout. Soyez libérés. Je termine avec ce merveilleux verset. Jude 24, 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Alors voilà ce qu'est notre sécurité dans le Seigneur. Amen.